Je m'appelle Théodore. En latin, Theus Deus, qui signifie donné par Dieu. Dieu a fait de moi un artiste. Il m'a donné une voix joyeuse et triste. Née dans la chanson, dans mes chants, j'exprime joie et amour, tristesse. Pitié partout et toujours. C'est ma vocation, c'est l'aurore. Ainsi m'appelle le temps, avec réforme. Cadeau de Dieu pour Théodore, et je garde précieusement ce don. Aïe aïe aïe aïe, la la la la, en chantant. Il y en a-t-il qui savent orchestrer comme moi, redonne une musique teintée de trémolo. Boulimant ma voix, raffole qui que ce soit. Ovationnez mes amis, votre idole Dim Dogo. C'est ma vocation, c'est l'aurore. Ainsi m'appelle le temps, avec raison. Cadeau de Dieu Théodore, et je garde jalousement ma voix. Aïe aïe aïe aïe, la la la la, en chantant. Yeah.